Ce soir, je suis en fumée. En buvette, les yeux rouges mêlés. Lunettes à ma table, j'ai la plus belle photo pour un personnel. Le succès donne des ailes. On est resté les mêmes. On est resté nous-mêmes. Après le million, je leur ai toujours pas dit goodbye. Chemise d'Anthony, lunettes, chapeau de paille. Relax, santé, max, on rôle ça à Dubaï. Rolex, j'ai pas le temps, je dois gérer trop de paille. Je reviens du bled, essaye de ramener des fers à tout pour la mif. Pour un médaille ou des Hamza, Mister Mohaka, le micro, le Hamka. Les Rainer nous observent tous d'un œil à quart. Ça pète, Andek y'a la papa, papa. S'il y avait pas une robe, j'aurais pris 6 offerts. Ouais, ouais, ouais. Y'aura qui si ça pète, y'aura qui si ça pète. Ouais, ouais, ouais. Y'aura qui si ça pète, y'aura qui si ça pète. Ce soir, j'suis en fumée. En buvette, les yeux rouges mêlés. Lunettes à ma table, j'ai la plus belle photo pour un personnel. Le succès donne des ailes. On est resté les mêmes. On est resté nous-mêmes. J'vois que dalle, j'suis trop pété. Avec Yoga Taka, j'fais péter. Les gros pas c'est des kédèbes, ils ont pas duré, c'est le mec tout. Albé dans les veines, l'amour, l'argent, ça va, ça vient. Albé dans les veines, la famille m'ont dit de faire ça bien. À 16 du mat, ça pète, Andek y'a la papa.